Le lundi 1er mai, ici Dominique Lelièvre et les informations. On en saura plus aujourd'hui sur l'étude de la qualité de l'air dans la basse ville de Québec promise par Régis Labeaume, annoncée en novembre 2015 avec un budget de près d'un demi-million de dollars. Le rapport commandé à la santé publique a connu d'importants retards. Un an et demi plus tard, le maire de Québec et la direction de la santé publique devraient annoncer cet après-midi la tenue de l'enquête en plus de définir son mandat. Elle doit notamment faire le point sur les épisodes de poussière qui ont touché la population de Limoilou. Jean Gagnon abandonne l'idée de se présenter à la mairie. L'ancien chef syndical a mis fin aux spéculations après s'être dit en sérieuse réflexion ces dernières semaines. Président des Cols Blancs pendant 13 ans, M. Gagnon a indiqué qu'il se voyait mal devenir le patron de ces gens qu'il a défendus pendant de nombreuses années. Il craignait également les apparences de conflits d'intérêts qui en auraient découlé. Bien qu'il n'envisage pas d'implication politique, Jean Gagnon affirme qu'il ne se gênera pas pour commenter la vie municipale dans les médias. Il se retrouvera également en cour supérieure à la fin du mois pour la plainte en diffamation qu'il a intentée contre le maire Labeaume. Et la question des transports continue de dominer l'actualité de la région. Selon 12 experts nord-américains consultés par le Journal de Québec, la construction d'un troisième lien ne soulagerait que temporairement le problème du trafic à Québec. Certains spécialistes en transport et en urbanisme parlent d'une pensée magique et de mythe. Cette position ferme n'ébranle pas le maire de Lévis, Gilles Louillet, qui continue d'appuyer le projet de troisième lien. Il souligne que la capacité maximale des ponts est atteinte depuis des années. L'élu de la Rive-Sud ajoute que c'est un enjeu de congestion, mais également de développement économique. Et à Lévis toujours, la maison Alphonse Desjardins subira une cure de rajeunissement plus tôt que tard. Selon Le Soleil, la toiture est à refaire avant le début de la saison touristique, soit à la mi-juin. Des travaux d'un quart de million de dollars, puisque la maison patrimoniale doit être préservée à son état originel, ce qui implique d'utiliser des matériaux de l'époque et des techniques traditionnelles. Printemps, été, automne, hiver, météo. C'est une faible pluie qui tombe sur Québec présentement et ça se poursuit pour toute l'après-midi et la nuit prochaine. On attend entre 20 et 30 mm de pluie jusqu'à demain mardi. Demain mardi, encore des averses, maximum de 12 degrés. Mercredi, c'est la fin de la pluie. Ce sera nuageux mercredi avec 12 degrés. Aujourd'hui, lundi, on attend 6 degrés cet après-midi. Présentement, le mercure indique 5 degrés.